Archi Radio. Archi Doux. Archi Cool. La radio du festival Archipel. Archi Chouette. En direct. De 10h à midi. Archi Nul. Sur Archipel. Archi Fort. Archigrand.org. Micro, bonjour. Good morning, Archipel. Good morning. On est encore là avec vous, nos chers 12 fidèles auditeurs, 12 000, je voulais dire, excusez-moi, et auditrices, oui, pardon. C'est par multiple de 12, oui. C'est par multiple de 12. Alors, vendredi 7 avril, encore 3 jours de radio et de festival. Ce matin, à la radio, comme d'habitude, on aura les chroniques de Doris et VDR, Vincent Derougin, le documentaire fait par Antoine sur Ray Goster, je me trompe, c'est exactement ça. C'est exactement que ça. Qu'on pourra en plus entendre ce soir dans la grande salle. Et juste à côté, en répétition. Exactement, donc vous pourrez peut-être avoir déjà un aperçu de Ray Goster à côté de nous. Le jeu du son mystère, aujourd'hui proposé par Amélia Roger, sa chronique aussi, et les inventions de Attila Faravelli avec ses objets sonores. Tout ça, ça va se passer jusqu'à midi. Et de midi à 13h, on aura le salon d'écoute aujourd'hui avec quelqu'un, il a le nom, sur le, Carole Robinson, exactement. Mais comme invité du jour, hein, aujourd'hui on aura une petite demi-heure, un peu plus qu'une petite demi-heure, qu'on pourra passer ensemble avec Juliette Fraser qui vient de rentrer dans la radio et qu'on pourra être avec elle dans une dizaine de minutes, vers 10h10. Mais tout d'abord on peut commencer avec... avec Le Before. Yes, fait par Antoine aujourd'hui. Yeah. faut qu'on travaille toute la nuit, on travaillera toute la nuit. Non. T'enregistres ? Ah, c'est ça. Merci Antoine pour ce point d'oreille sur le festival. Je crois que tu as dû faire la capsule car Sonia et Camille, hier, ils étaient en grève. Exactement. Exactement. Et ouais. J'essaie de capter quelques revendications syndicales, ouais. Un peu glanées comme ça. Mais je crois que la manif s'est organisée aujourd'hui, non ? La manif de... Je crois qu'elles ont obtenu gain de cause. Manifestement, elles sont revenues. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est toi qui as travaillé pour eux.